Comment fait-on un don ? Si vous avez offert, allez offrir ou êtes en train d'offrir un cadeau à quelqu'un, vous allez expérimenter toutes les contradictions du don dans la vie humaine, et cela de façon très concrète qui nous mène pourtant au cœur d'un problème philosophique et social très profond et très central. D'abord, vous avez envie de penser que le don est une forme de cadeau tout à fait libre et sans aucune obligation ni mesure. C'est au cœur du don. Il y a même des théories qui font du don quelque chose non seulement d'entièrement gratuit, mais qui n'existe que s'il est dépourvu de toute mesure extérieure. Mais pourtant, à Noël, par exemple, avant ou après Noël, nous le savons bien, et dans d'autres occasions un peu solennelles et sociales, le don paraît obligatoire, et qui plus est, non seulement obligatoire, mais mesuré en lui-même et aussi par la contrepartie que l'on n'est pas supposé en attendre, mais que l'on en attend quand même, et c'est toutes les contradictions des cadeaux en retour, de ce que les sociologues appellent aussi l'échange et le contre-don. Si vous ne recevez rien en échange de votre cadeau, est-ce que vous ne serez pas profondément meurtri par cette absence de retour, alors même que vous dites, au fond, moi, tu comprends, je l'ai offert pour l'offrir et sans rien attendre en retour. Il y a toutes les contradictions possibles dans le don, et c'est au fond au cœur des débats sociologiques, moraux, philosophiques, sur cette apparemment petite expérience qui pourtant est tout à fait centrale. Mais peut-être, pour comprendre de quoi il s'agit avec le don, faut-il s'interroger d'abord sur la manière dont on procède avec le don, qui peut paraître contradictoire et qui pourtant nous indique aussi quelque chose pour dépasser les contradictions. En effet, le don est certes quelque chose de subjectif, de personnel, et c'est peut-être le cœur du don. C'est moi qui donne à quelqu'un, et il est absolument essentiel que cette relation soit attestée dans le don lui-même. Il ne peut pas s'agir d'un simple échange normé par un besoin objectif et par une monnaie comme un achat ou une vente. Il ne peut pas non plus s'agir d'une obligation imposée de l'extérieur, et encore moins par la force. Si quelqu'un vient me voler un paquet, je ne vais pas dire que je le lui ai donné, il me l'aura pris, et ce sera exactement le contraire. Il y a donc cette dimension personnelle. C'est quelqu'un qui donne à quelqu'un d'autre, même si l'on ne sait pas qui, et le don peut rester anonyme, et même si l'on ne sait pas à qui, car on ne sait pas à qui tous nos dons sont destinés, il faut cette relation personnelle. Et pourtant, il faut aussi un protocole social. La question « comment ?» est importante. Il faut un cadre pour manifester le don. Il faut une institution du don. Est-ce qu'il faut dire par là qu'il y a une contradiction ? Est-ce qu'au contraire, le don ne manifeste pas l'institution des relations interpersonnelles avec toutes leurs intentions positives et aussi négatives ? C'est tout le problème du don que toutes les fêtes posent et sur lesquelles toutes les disciplines doivent s'interroger.